Oh, dis non, la bière. Mon Dieu. Oh, oh la bière, et elle veut tout le temps la bière. Comment t'as simple, là? Ah, oui. Et pas y'a babette, t'es pas y'a babette, hein? Ah, t'es. Qui est là? C'est Gonzalo qui arrive. Oh! Gonzalo, bienvenue. T'es pas y'a babette. Ah, dis. Fungolanda con Gaiwayo, Dede wa Bolingo, Kiela, Fungolanda con